Chapitre 15e, la confession. Le retour de Kernan avait été en effet retardé par une rencontre inattendue. Il était 9 heures du soir. Il revenait désespéré. On annonçait pour le lendemain l'exécution du ci-devant comte de Chantelaine. Carval, ne pouvant retrouver la jeune fille, avait enfin ordonné le supplice. Kernan était décidé à employer les moyens extrêmes pour enlever le comte à la fatale charrette qui le conduirait à l'échafaud. Mais avant de prendre un parti, il voulut revoir le chevalier et sa nièce Marie, pour la dernière fois peut-être. Il marcha donc à grands pas, après avoir longtemps rôdé autour de la prison. Déjà il avait traversé le port de Brest, et il remontait les rues roides et détournées de recouvrance, quand il aperçut, marchant devant lui, un homme dont la tournure le frappa. L'obscurité n'était pas encore assez grande pour qu'il pût s'y méprendre. Certains détails lui firent venir la pensée que cet homme était celui qu'il haïssait tant. Bientôt il ne put en douter. Carval, se dit-il, Carval. La haine, la colère, le désir de la vengeance l'aveuglèrent un instant, au point qu'il fut prêt à se jeter sur le misérable et à le tuer sur place. Mais il parvint à se contenir. « Je le tiens, dit-il, du sang-froid. » Kernan se prit à suivre Carval. Il ôta ses souliers. Il le laissa prendre une certaine avance sur lui pour n'être pas remarqué, et courant pieds nus quand son ennemi venait à tourner l'angle d'une rue, il reprenait sa piste comme un sauvage des prairies d'Amérique. Carval s'engagea dans les petites ruelles montantes et nombreuses dans ce quartier de la ville. L'obscurité s'accroissait peu à peu, et les rues devenaient désertes. Kernan dut se rapprocher de Carval pour ne pas le perdre de vue. D'ailleurs, le misérable, ne soupçonnant pas la présence du Breton dans la ville, ne l'aurait pas reconnu. Cependant, il ne tarda pas à voir qu'il était suivi, et il pressa le pas. Kernan, craignant à chaque instant qu'une porte ne s'ouvrît devant lui, résolut de l'aborder. Il hâta donc sa marche, et le rejoignit près du chemin de ronde, le long des fortifications de la ville. Carval recula vivement, et d'une voix peu assurée, il dit au Breton « Que me veux-tu, citoyen ?»« J'ai une dénonciation à te faire, » répondit Kernan. « Ce n'est ni le lieu ni l'heure, » répliqua Carval, dont le Breton avait saisi le bras. « Si, pour un patriote comme toi, mon affaire intéresse la République. Enfin, que veux-tu »« Tu cherches la citoyenne de Chantelaine ?»« Ah !» fit Carval, en reprenant confiance dans sa haine. « Tu sais où elle est ?»« Elle est en mon pouvoir, » répondit Kernan, « et je puis te la livrer, tout de suite, à l'instant même. » « Et que demandes-tu pour cela ?» dit le misérable. « Rien, viens donc. »« Attends, le poste des remparts n'est pas loin. Je vais prendre quelques hommes, et pas plus tard que demain, la citoyenne fera la bascule sous les yeux de son père. » Le poignet de fer du Breton serra si violemment le bras de Carval que celui-ci ne put retenir un cri. En ce moment, la lueur d'un réverbère tomba sur la figure de Kernan, et Carval le regarda. Soudain, ses traits se décomposèrent, et d'une voix articulée, il s'écria « Kernan, Kernan !» Il voulut appeler au secours, mais la voix lui manqua. Il tremblait. Ce bandit était le plus lâche des hommes. D'ailleurs, il pouvait être effrayé avec raison. La figure de Kernan étincelait, et sa main était armée d'un large coutelas dont la pointe s'appuyait sur la poitrine du républicain. « Un mot, et tu tombes mort, » dit le Breton d'une voix grave. « Tu vas me suivre. »« Mais que veux-tu ? » balbutia le misérable. « Te faire voir, mademoiselle de Chantelaine. Mets ton bras sous le mien. Allons, pas de façon. Tu n'es pas de force. Nous allons passer devant des maisons habitées, devant des postes même. Tu sentiras toujours cette lame appuyée sur ton cœur. Au moindre cri, je l'enfonce. Mais je sais que tu es un lâche. Tu ne crieras pas. » Carval ne put répondre. Saisi dans un étau de fer, il suivit le Breton, et ces deux hommes, bras dessus, bras dessous, avaient l'air de deux amis. Kernan se dirigea vers la porte de recouvrance. Plusieurs fois, des passants attardés croisèrent Kernan et Carval. Celui-ci n'osa pas ouvrir la bouche. Il sentait la pointe du poignard qui déchirait ses vêtements. Les rues devenaient de plus en plus désertes. Il y avait de gros nuages noirs qui rendaient la nuit très obscure. Parfois, Kernan serrait si fort son compagnon que des cris sourds s'échappaient de la bouche du misérable. « Tu me fais mal, » disait-il. « Ce n'est rien, » répondait le Breton. Enfin, ils arrivèrent à la poterne. Là était une porte assez vivement éclairée. Carval vit les soldats allant et venant dans le corps de garde. Il n'avait qu'un cri à jeter pour se faire entendre. Il se tut pourtant. À 10 pas, La sentinelle se promenait de long en large. Carval frôla le soldat en passant. Il n'avait qu'un signe à faire, il ne le fit pas. Le poignard de Kernan entrait dans sa poitrine, et quelques gouttes de sang filtraient à travers ses habits. Bientôt, la double enceinte fortifiée fut dépassée. Les deux hommes remontèrent la grande route pendant un quart de lieue dans le plus grand silence. Carval, toujours rivé à Kernan. Puis le Breton se jeta dans un chemin couvert sur la gauche et ne tarda pas à arriver à l'un de ces champs incultes et entourés de pierres qui forment le sommet des hauts rochers de la côte. On entendait la mer se briser au pied des rocs à une centaine de pieds de profondeur. Là, Kernan s'arrêta. « Maintenant, » dit-il d'une voix grave, mais qui indiquait une résolution irrévocablement arrêtée et dans laquelle était empreinte tout l'entêtement breton. « Maintenant, tu vas mourir. « Moi ?» s'écria le misérable. Peut-être voulut-il appeler, mais sa voix lui resta dans la gorge. « Tu peux crier, » dit le breton, « tu peux demander grâce. Personne ne t'entendra, pas même moi. Rien ne te sauvera. À ta place, foi de breton, je mourrai bravement, et non comme un lâche. » Carval essaya de se débattre, mais le breton, d'une main le contint, le courba jusqu'à terre. « Kernan !» dit alors Carval, d'une voix entrecoupée. « Grâce ! Je suis riche, j'ai de l'or, je t'en donnerai beaucoup, beaucoup, grâce, grâce. » « Grâce à toi, malheureux, » s'écria Kernan d'une voix terrible. « Toi qui as de ta main assassiné notre bonne dame, toi qui as de ta main arrêté notre maître, toi qui l'as fait condamner à mort, toi qui vas jeter notre fille à la guillotine, toi, breton renégat, voleur, incendiaire, qui a pillé, ruiné, brûlé ton pays. Ah, Dieu me damnerait, misérable, si je ne te tuais pas de ma main. Meurs donc !» Carval était étendu à terre. Le bras de Kernan se levait pour le frapper, quand le breton l'arrêta. Une idée subite venait de traverser son esprit. Pendant cette guerre, cette même idée suspendit souvent la mort des prisonniers républicains et prenait son origine dans ce sentiment religieux qui souleva les masses vendéennes. Kernan s'était relevé en disant « Tu mourras, mais tu ne mourras pas sans confession. » Carval comprenait à peine ces paroles, mais enfin, sa mort retardée, il avait encore une faible chance de s'échapper. Il était incapable de faire un mouvement. Kernan le releva d'une main, en se parlant à lui-même, sans autrement faire attention au misérable Carval. « Oui, il faut qu'il se confesse. Je n'ai pas le droit de le tuer sans confession. Mais un prêtre, où en trouver un ? J'irai jusque dans Brest en chercher un s'il le faut. Un assermenté, un jureur, ce sera toujours assez bon pour ce gueux-là. » Pendant ce temps, le breton marchait. Carval, comme une masse inerte, pendait à son bras et des gouttes de sang marquaient son passage sur les pierres de la route. Cependant, les murs de Brest apparurent bientôt et Carval, en qui survivait le sentiment de la conservation, comprit quelle unique chance s'offrait à lui. Une fois rentré dans la ville, il était décidé à appeler au secours. Dût-il tomber mort ? Il ouvrit donc les yeux et vit peu à peu les remparts se dessiner dans l'ombre. Encore quelques pas, et il pourrait tenter son dernier moyen de salut. En ce moment, à l'extrémité d'un chemin creux qui coupait la grande route, il aperçut un homme qui passait. Il ramassa alors un dernier reste d'énergie. Il s'arracha l'étreinte du breton et courut en s'écriant « Sauvez-moi ! Sauvez-moi !» Mais en deux bonds, Kernan rejoignit Carval, et regardant cet homme que le hasard amenait devant lui, il poussa un cri de joie féroce. « Ivna ! » s'écria-t-il, « le prêtre Ivna ! Qui donc oserait dire que la justice de Dieu n'est pas dans tout ceci, Carval ? Écoute, c'est un prêtre !» Carval recula. « Ivna ! » dit alors Kernan, « je te connais. C'est moi qui t'ai sauvé de l'île Tristan. Tu es prêtre. Cet homme est condamné à mourir. Confesse-le. » Mais, dit le prêtre, il n'y a pas d'objection, pas de grâce à espérer, obéis. » Ivna voulut résister. Kernan leva sa redoutable main en lui disant, « Ne me force pas à porter la main sur toi, confesse cet homme. S'il ne peut parler, je vais aider ses souvenirs. Il a tué et volé. Il n'a plus que quelques minutes pour se repentir avant de paraître devant Dieu. » Il se passa alors une scène épouvantable. Le misérable, auquel revinrent en un instant les souvenirs et les sentiments de sa jeunesse, les leçons de son enfance, s'accusa vaguement, pleurant, faisant pitié sans émouvoir le breton. Il ne savait ce qu'il disait. Ivna tremblait de tous ses membres. Une irrésistible terreur s'emparait de lui. Le prêtre entendait à peine les paroles que le pénitent prononçait sans les comprendre, et enfin, n'en pouvant plus, et lui donnant une absolution rapide, il s'enfuit sans oser retourner la tête. Il n'avait pas disparu à l'angle du chemin creux, qu'un cri sinistre retentissait dans les airs, et bientôt le prêtre épouvanté put apercevoir un homme, portant un autre homme sur ses épaules, passer lentement à travers les champs déserts et précipiter un cadavre du haut des rochers dans les flots sombres de la baie.